des soirs où je rentre pas, pas. Pardon maman, silencieux quand je rentre le soir, soir. Pardon maman, je sais que t'as du mal à me voir, voir. Pardon maman, mais je serai toujours près de toi, toi. Pardon maman, y'a des soirs où je rentre pas, pas. Pardon maman, silencieux quand je rentre le soir, soir. Pardon maman, je sais que t'as du mal à me voir, voir. Pardon maman, mais je serai toujours près de toi, toi. Pardon maman. Tu veux te barrer, on va se barrer, parce que ton soupir a pris du bif, connais pas maison d'arrêt. Mes soucis j'ai causé, je suis connu par tous les condés de la ville. Mais on va s'en aller, comment je suis serré. T'auras ta baraque, t'auras ta piscine. Dans quelques années, si elle est sérieuse, ça m'aimerait, je te présenterai mon missile. Oh non maman, plus jamais comme avant. Tu sais, j'aimerais toute ma vie. J'en mets des balles dedans, je peux leur enlever la vie. Regarde maman, c'est moi sur la vie. Dans laquelle je crachais en attendant le bus. Ils ont pas voulu me laisser passer. J'ai pas fait le long, j'ai niqué leur boss. Et j'ai fait pas de bruit comme un mandor. Faut pas que je leur réveille quand je rentre. Je fume mes valises et je ressors. 6 heures après je suis comme une rockstar. D'ailleurs maman pourquoi ils m'ont dit. J'ai pas changé, je suis toujours le même. Une nuit de plus où j'ai pas dormi. Une nuit de plus où j'ai plus sommeil. Pardon maman, silencieux quand je rentre le soir, soir. Pardon maman, j'ai peut-être du mal à me voir, voir. Pardon maman, mais je serai toujours près de toi, toi. Pardon maman, y'a des soirs où je rentre pas, pas. Pardon maman, silencieux quand je rentre le soir, soir. Pardon maman, j'ai peut-être du mal à me voir, voir. Pardon maman, mais je serai toujours près de toi, toi. Pardon maman. Chargé le planning, plus trop sur Paris, je barre aux enfants, je me sens bien. Je vends pas cocaïne, je veux bien saine. Pourtant je peux saigner le mien, c'est le tien. Je m'éloigne des pas là. Sur une côte espagnole et je me balle. Bien sûr que j'ai fait du sale, même si papa me disait ramène pas de sale. Donc je veux des baraques aux darons, une grosse Lamborghini. Est-ce pour eux qu'on allonge, c'est pour eux qu'on finit. Que dort dans le salon, à la tête j'ai ramené le platine. Je suis seul comme mon baron, comment il est bien sûr. Je rentre pas, pas. Pardon maman, silencieux quand je rentre le soir, soir. Pardon maman, je sais que t'as du mal à me voir, voir. Pardon maman, mais je serai toujours près de toi, toi. Pardon maman, y'a des soirs où je rentre pas, pas. Pardon maman, silencieux quand je rentre le soir, soir. Pardon maman, j'ai peut-être du mal à me voir, voir. Pardon maman, mais je serai toujours près de toi, toi. Pardon maman, y'a des soirs où je rentre pas, pas. Pardon maman, silencieux quand je rentre le soir, soir. Pardon maman, j'ai peut-être du mal à me voir, voir.